chez moi y'a des combats de coq comme aux Philippines. Viens dans ma rue si tu sais plus où sont passés les Gypsy Kings. Les murs ont des oreilles, fais gaffe à ce qu'ils vont dire. La commère te regarde d'un œil comme une quéquette circoncise. On est mignon avec nos belles Nike et nos Ray-Ban. Là t'as pas le permis, t'as sorti un D-Max. Y'a ceux qui prient et ceux qui braquent sous le même toit. Aujourd'hui un flingue c'est le même prix qu'une PlayStation 3. Être survolté est une chose en soi. Avec l'état, le courant passe de force comme entre EDF et Claude François. Le bonheur c'est devenir rappeur ou footballeur. Pour ne pas se faire contrôler, faut la gueule d'Harry Potter. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Regarde le de travers et il voudra ouvrir le feu. C'est la ZZZ, c'est la ZZZ, c'est la ZZZ, c'est la ZZZermi. Je représente ceux qui se lèvent quand le soleil se couche. On peut crever la dalle, tout le monde s'en bat les couilles. Passe-moi le mic man, j'parle cash, fracasse, te casse, ça se passe. Aïe aïe aïe aïe. Je représente ceux qui se lèvent quand le soleil se couche. On peut crever la dalle, tout le monde s'en bat les couilles. Passe-moi le mic man, j'parle cash, fracasse, te casse, ça se passe. Aïe aïe aïe aïe. Les petits roulent en compète, les grands roulent des gros bêtes. Surveille ta frangine si elle a des gros obsèses. Époque à la bordel, même la drogue est soldée. Achète une barrette, la deuxième est offerte. Handek, handek, y'a les hnouches, hnouches. Rouya, c'est déchargé, vas-y bouge, bouge. Par tous les moyens, il faut s'échapper en douce, douce. Préviens les couscous, donne l'alerte rouge, rouge. On fait du rap pour le plaisir et pour les sous. Sarpi, si tu kiffes pas, t'écoutes quand même et puis c'est tout. Mentalité, plus rien à foutre, on a le genoune. On sait déjà à l'avance comment l'histoire se déroule. J'suis en mode 1-3, j'suis en mode Marcel, j'suis en mode Spartiate, j'suis en mode tu connais, si, si. On vient tous des quartiers difficiles, ouais, ouais. C'est du rap que pour les vrais, ouais ouais ouais. Je représente ceux qui se lèvent quand le soleil se couche. On peut crever la dalle, tout le monde s'en bat les couilles. Passe-moi le mic man, j'parle cash, fracasse, te casse, ça se passe. Aïe aïe aïe aïe. Je représente ceux qui se lèvent quand le soleil se couche. On peut crever la dalle, tout le monde s'en bat les couilles. Passe-moi le mic man, j'parle cash, fracasse, te casse, ça se passe. Aïe aïe aïe aïe. Ça braque, braque des guns. Puis y'avait des gueules qui t'a cassé, cassé des gueules. J'rappe avec le cœur que des blagues, blagues de beurre. Ça squatte des heures. J'veux des liasses, liasses te cachent d'une large épaisseur. Et y'a des aspas, des castanes, ça gratte grave. Pas de bla bla, clic clic et pas. Avec nos vies, tiens, y'aurait besoin d'un vétérinaire. Les épines de l'école buissonnières ont crevé nos pulvères. La rue c'est une prison, ne ramasse pas la savonnette. Si tu balances, on t'arrache les molaires à la clé à molette. Photographié de face ou bien de profil. Bon, j'vide, maudit, innocent ou fautif. On a la folie des glandeurs, bienvenue dans le club. Les aiguilles bloquées au compteur et des gens de neuf. Ambiance zona, flash de vodka, sans d'où vient la chaleur. Au clair du beach, je représente ceux qui se lèvent quand le soleil se couche. On peut crever la dalle, tout le monde s'en bat les couilles. Passe-moi le mic man, j'parle cash, fracasse, te casse, ça se passe. Aïe aïe aïe aïe. Je représente ceux qui se lèvent quand le soleil se couche. On peut crever la dalle, tout le monde s'en bat les couilles. Passe-moi le mic man, j'parle cash, fracasse, te casse, ça se passe. Aïe aïe aïe aïe. Yeah. El Matador, rap de quartier. Pour toutes nos zones, toutes nos zones. Je représente ceux qui se lèvent quand le soleil se couche. On peut crever la dalle, tout le monde s'en bat les couilles. Passe-moi le mic man, j'parle cash, fracasse, te casse, ça se passe. Aïe aïe aïe aïe.